La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi, nous continuons de parler pendant une heure encore d'un écrivain et philosophe qui désirait tout à la fois être un grand homme et un homme ordinaire, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, né en 1905, élevé parmi les livres de son grand-père qui lui fit la classe jusqu'à son entrée au collège, a raconté dans Les mots l'importance de son enfance qu'il qualifiait d'année de folie. Mais ses années d'adulte ne seront pas moins folles, lui qui cherchera à devenir un grand écrivain avant-guerre et un grand homme tout simplement après, avoué à l'engagement toute la seconde partie de sa vie. Annie Cohen-Solal nous en parlait lundi au cours d'une émission à retrouver en podcast. Ces romans sont les œuvres d'un écrivain et non pas simplement d'un philosophe qui aurait cherché à illustrer sa pensée par la fiction, même si l'existentialisme est partout dans ces romans et que ces derniers ont une portée philosophique, de l'âge de raison et de la nausée notamment. Nous avons parlé, c'était mardi, avec Michel Contat. Enfin, hier, c'est sur les écrits autobiographiques que nous nous sommes arrêtés, un genre qui posait problème à Sartre, comme au petit groupe de personnes qui l'entouraient, mais dont il a su tirer le meilleur. Jean-François Louette nous l'a expliqué. Et aujourd'hui ? A sniper rises out of the middle of nowhere. A writer at his desk weighs his heavy mind. Aujourd'hui, nous découvrons un Sartre voyageur avec le traducteur et essayiste Jean-Luc Moreau, auteur notamment de Simone de Beauvoir, Le goût d'une vie, publié aux éditions Écriture en 2007, mais surtout de l'essai Sartre voyageur sans billet, publié en 2005 aux éditions Fayard, mais qui n'a pas pris une ride. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Moi, je suis parti en Amérique en 45. C'était avec l'intention de voir un autre continent, d'autres gens sur cet autre continent, menant d'autres métiers, ayant d'autres métiers, ou ayant les mêmes métiers que nous, mais les vivant autrement. Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu l'idée que voyager, et j'ai beaucoup voyagé, c'était voir une certaine situation politique. Entrer dans un pays, c'était voir une certaine situation politique. Mettons, aller en Suède, par exemple, c'était voir une situation politique, je le prends au sens général du mot, c'est-à-dire de certains mouvements des gens, un certain avenir qu'ils se forgeaient, certaines croyances aussi, qui survivaient du passé. Et puis, une atmosphère présente avec tout ça qui se mariait. Et c'est ça qu'il fallait examiner, qu'il fallait voir. Sartre qui confiait à Michel Contat ce que représentait pour lui le voyage. Bonjour Jean-Luc Moreau. Bonjour à vous. Voyager, pour Sartre, c'était donc comprendre la situation politique de tel ou tel pays, voilà ce qu'il vient de nous dire. C'est peut-être vrai après 45, mais peut-être pas forcément avant Jean-Luc Moreau, car on va le voir, Sartre a été longtemps un grand voyageur, quelque peu aveugle, on pourrait dire un simple touriste. Oui, il a toujours rêvé voyager. Tout comme Simone de Beauvoir. Tous deux, étudiants, vivaient à Paris, considéraient que Paris était la capitale du monde. La plus belle ville du monde. La plus belle ville du monde. Donc ils étaient très très heureux d'y vivre, effectivement. C'était un peu ethnocentré ou pas ? C'était parce que c'était la... la plus belle ville culturelle en fait du monde. C'était là qu'il y avait les écrivains, c'était là qu'il y avait les artistes, c'était là aussi que les écrivains, les artistes étrangers venaient à cause de l'ambiance culturelle de la ville depuis assez longtemps. Mais en même temps, effectivement, ils avaient tous les deux le goût de l'aventure à leur propre niveau, l'aventure et le voyage. Sartre, jeune, lisait des bandes dessinées, les Carter, etc., qui se passaient aux États-Unis la plupart du temps. Et effectivement, ils avaient envie de vivre, d'aller aux États-Unis. Pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, oui, aussi mais, en Europe. Mais oui, mais alors ils avaient, ils lisaient les grands reportages de l'époque, en particulier André Violis qui parcourait le monde dans les pays exotiques, etc., mais qui était une journaliste de Vendredi, qui était un journal de gauche et qui était anti-colonialiste, qui a écrit sur les Indes, sur le Vietnam, etc. Donc il lisait ces livres-là, mais il ne repérait effectivement que ce qui relevait de l'exotisme. Mais pas du tout, il ne s'intéressait pas à ce moment-là, précisément au phénomène du colonialisme, etc. Donc là, voyager, ça n'avait rien, strictement rien à voir avec, effectivement, la politique, la dénonciation d'une situation sociale. C'était vraiment partir. Je pense que, je n'ai pas le livre sous les yeux, mais l'exergue du livre, c'est la phrase célèbre de Sartre, définissant en quelque sorte l'existentialisme. On ne peut qu'exister que dehors. Il faut aller dehors. L'existence, c'est prendre au sens propre, exister, aller dehors. Et dehors, sur les routes, etc. En fait, sur les routes, ils n'y sont pas allés tellement, ils sont allés plutôt dans les villes. Et leur attachement à la ville de Paris leur a aussi donné envie de connaître d'autres villes. Alors, on va parler des villes. Vous dites que Sartre et Beauvoir, car ce sont deux touristes, ils voyagent ensemble. Pas exactement la même sorte de touriste, mais... Pour quelle raison? Quelle différence? Pour quelle raison? Enfin, surtout à la fin, c'est Claude Roy qui, dans les livres sur les témoins de Sartre, le livre des temps modernes, le recueil des temps modernes rendant hommage à Sartre après sa mort, dit que lorsque Simone de Beauvoir racontait ses voyages, c'était la famille fenouillard existentialiste. Et puis, lorsque c'était Sartre, au contraire, c'était l'ambassadeur était l'ambassadeur de lui-même auprès du monde entier, quoi. Voilà. Toujours est-il qu'il lisait donc les grands reportages qui les faisaient rêver. Il lisait aussi Valérie Larbeau, Paul Morand, Drieux La Rochelle, Barrès. Voilà, tous ces écrivains-là. Et la différence précisément entre Simone de Beauvoir et Sartre, c'est que Simone de Beauvoir, elle avait en quelque sorte appréhendé les pays plus que Sartre lui-même, justement par rapport à ses lectures. Donc elle veut retrouver là où elle va, elle veut retrouver effectivement ce qu'elle a lu, les impressions qu'elle a lues. Alors des fois ça convient et des fois ça ne convient pas effectivement. Mais donc c'est des écrivains qu'ils admirent, ça? Bon, on parle de l'avant-guerre, hein, bien sûr, mais... Oui et non, mais je pense que c'est... quels que soient les écrivains, en fait, à partir du moment où il y a une vie... une vue des villes, de l'extérieur, il s'y attache. C'est pourquoi ils lisent Paul Morand, ce que Paul Morand écrit sur New York, par exemple, alors que, je ne pense pas que Paul Morand soit, par ailleurs, un de leurs écrivains favoris. Mais ils sont, en revanche, assez conquis par Saint-Exupéry, puisque c'est les avions. Ils rêvent aussi, bien sûr, de prendre l'avion. Ce qui, à l'époque, se fait quand même moins facilement, évidemment. Absolument, et c'est un peu plus risqué, d'ailleurs. Alors, en 1931, donc c'est pendant l'été qu'ils voyagent, parce qu'ils sont chacun de leur côté à enseigner, l'un au Havre, l'autre à Marseille. Et en 31, à l'été, ils font leur premier voyage en Espagne, Jean-Luc Moreau. Et là, elle et lui vont plutôt visiter les églises que de s'intéresser aux mouvements sociaux qui ont lieu à cette époque-là dans le pays. Oui, ils sont invités par un ami à eux qui est un peintre, qui apparaît dans les romans de Le chemin de la liberté de Sartre sous le nom de Gomez, et qui, d'ailleurs, participera au mouvement de la République espagnole. Et là, donc, ils sont en quelque sorte... ils sont pas tout à fait ils ne sont pas seuls, il y a quelqu'un qui leur accompagne. Mais en même temps, ils se découvrent peu à peu, à leur grand étonnement, un comportement qu'ils analysent eux-mêmes en le trouvant un peu étrange, c'est qu'ils se découvrent en fait touristes. Effectivement. Avec quand même un peu de réticence, parce que être un touriste, c'est quand même bourgeois. Oui, bien sûr. Voilà, oui. C'est une découverte qui leur fait honte. C'est-à-dire qu'ils s'en rendent eux-mêmes anticonformistes, etc. Ils s'aperçoivent qu'ils sont dans le pire du conformisme, effectivement. Et c'est simplement petit à petit qu'ils vont se dégager de cela, parce que c'est presque une attitude naturelle quand on va à l'étranger pour voir un pays et qu'on n'y va pas pour travailler, par exemple, ou pour y habiter. Et ça va être très très très long, finalement. Et un des livres, pour moi, les plus beaux de Sartre... La reine Albemarle ou le dernier touriste, qui est sur l'Italie, en fait décrit l'agonie du touriste en lui. Voilà. Oui. Alors ils font quand même des petites erreurs avant de se libérer de leur côté touriste, comme quand par exemple ils vont au Maroc, à Fès, et là ils vont dans un restaurant et ils pensent être vraiment dans un endroit absolument typique puisque ils mangent des cornes de gazelle, des pastillas, des poulets au citron, mais non, c'est en fait un restaurant touristique. C'est tout un apprentissage finalement de ne plus être un touriste. Oui, c'est tout un apprentissage. C'est aussi apprendre à regarder par soi-même. Non, c'est pas exactement ça. C'est essayer de parvenir à se dépayser. Parce qu'en fait, on vient avec son pays, on vient avec la représentation qu'on a du pays dans lequel on voyage. Surtout quand, en plus, on a déjà lu des tas de choses qui ont été écrites à propos de ce pays, de sa population, de ses mœurs, de sa culture, etc. Et donc, on se projette. Et en même temps, le touriste, il cherche vraiment le dépaysement. Mais cherchant le dépaysement, il cherche des choses qui sont extraordinaires, enfin, ou qui sont typiques, qui pensent être typiques. Mais ce qui est typique, précisément, c'est pour le touriste. Donc, s'ils sont dans une espèce de cercle. Et le dépaysement est quelque chose qui est difficile à obtenir. Et c'est finalement Sartre qui s'applique, j'exagère un peu, mais presque, qui s'applique le plus profondément dans cette tâche que Simone de Beauvoir. Un bon élève des voyages. Oui, à propos du dépaysement, précisément, on peut donner un exemple qui est ce qui se passe. Alors là, on n'est plus en Espagne, on est en Italie, à Naples. Simone de Beauvoir, elle est partie faire une excursion, comme elle en a l'habitude, etc. Et Sartre est à Naples. Alors, c'est pas un récit qu'il fait en son nom propre. C'est un personnage d'une nouvelle qu'il n'a pas publiée, qui a été repris après dans un autre passage qui s'appelle Nourriture. Donc, il est à Naples. Il cherche vraiment à se dépayser. Il cherche quelque chose d'inédit, de connaître vraiment la ville. Et alors, il lui arrive quelque chose à quoi il s'abandonne parce qu'il sent que c'est une arnaque, qu'il est accosté par un rabatteur, qui lui dit, voilà, vous avez vu Pompéi, vous avez vu la fresque des courtisanes, des poses érotiques, etc., etc. Moi, je vous emmène dans un endroit, etc., et vous verrez la même chose en vrai. Et sous-entendu, après, avec une ou deux filles, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Et évidemment, ça ne le dépayse pas du tout. Mais en même temps, ça le dépayse vraiment. Ce qui le dépayse, c'est l'arnaque dont il a été victime. C'est le premier rabatteur qui lui a raconté cette histoire, enfin, qui lui a parlé comme ça, qui l'a conduit dans un café. Au café, ils ont parlé de cette maison où ils pourraient voir ces scènes reproduites in situ, les tableaux vivants, en quelque sorte. Et lui, au café, il dit oui, d'accord, on y va. Il achète une bouteille de vin. Il leur dit, on la boira à la sortie. Donc, il y va. Et puis, effectivement, à la sortie, ils boivent. Il est emmené chez l'un d'eux. Il passe, lui, l'autre, il chante, etc. Donc, ils sont devenus copains. Il dit, voilà, Là, je suis dépaysé. Je vois comment ça fonctionne. Je vois comment les gens vivent. Je vois l'arnaque dont j'étais victime et par qui. Et là, c'est vraiment le dépaysement. Donc ça, c'est en 1936, la visite à Naples. Oui, quelque chose comme ça. Mais c'est vous qui connaissez les dates, moi j'ai oublié. Il a, avec Simone de Beauvoir, applaudi à la victoire du Front Populaire, mais ils ne sont pas allés voter. Non, ils ne sont pas allés voter. Voilà. De la même façon, en Italie, ils y sont allés par souci d'économie, en profitant d'une propagande de Mussolini qui a dit que les voyageurs étrangers étaient venus, il y avait un rabais de 30% sur les voyages. Et le seul prix à payer, c'était de visiter l'exposition fasciste. Ah, donc ils sont allés voir l'expo. Voilà. Mmh. Ben, ils ont été obligés de voir l'expo. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé de Mussolini et de son régime à ce moment-là? Bien, ils s'en sont pas tellement aperçus, en fait. Ils ont bien vu de temps en temps des chemises noires. À Naples, ils remarquent bien qu'il n'y a pas de putain, qu'elles ont disparu, etc. Et ils sont, ils ont une dispute. Il y a de rares disputes entre Simone de Beauvoir et Sartre, mais il y en a pendant les voyages. Et ils se disputent parce que le régime mussolinien, finalement, essaye d'assainir la ville en construisant des locaux sains. Et Simone de Beauvoir dit que il vaut mieux quand même, parce qu'il y a l'école, il y a des tas de maladies épidémiques. Et puis Sartre dit non. Ça devient, il le redira plus tard à propos de la Russie, ça va devenir une ville hygiénique. In the Rue de Blamanto, they raised a wooden stage, threw some bran in a basket. And there was the scaffold in the Rue de Blamanto. In the Rue de Blamanto, the executioner rose at dawn. He had a job to do. He must chop the generals, bishops and admirals too. In the Rue de Blamanto, into the Rue de Blamanto, came the well-bred women with their precious jewels, but the heads they turned them, rolling from on high, heads stuck in their hats. Quelque chose commence pour finir. L'aventure ne se laisse pas mettre de rallonge. Elle n'a de sens que par sa mort. Vers cette mort, qui sera peut-être aussi la mienne, je suis entraîné, sans retour. Chaque instant ne paraît que pour amener ceux qui suivent. À chaque instant, je tiens de tout mon cœur. Je sais qu'il est unique, irremplaçable. Et pourtant, je ne ferai pas un geste pour l'empêcher de s'anéantir. Cette dernière minute que je passe à Berlin, à Londres, dans les bras de cette femme rencontrée l'avant-veille, minute que j'aime passionnément, femme que je suis près d'aimer, elle va prendre fin, je le sais. Tout à l'heure, je partirai pour un autre pays. Je ne retrouverai ni cette femme, ni jamais cette nuit. Je me penche sur chaque seconde, j'essaie de l'épuiser, rien ne passe que je ne saisisse, que je ne fixe pour jamais en moi, rien, ni la tendresse fugitive de ses beaux yeux, ni les bruits de la rue, ni la clarté fausse du petit jour. Et cependant, la minute s'écoule, et je ne la retiens pas. J'aime qu'elle passe. Et puis, tout d'un coup, quelque chose casse net. L'aventure est finie. Le temps reprend sa mollesse quotidienne. Je me retourne. Derrière moi, cette belle forme mélodique s'enfonce tout entière dans le passé. Und rühre mich nicht. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. On a pu entendre successivement La rue des Blancs-Manteaux par Marc Almond sur un texte de Jean-Paul Sartre, Jean-Luc Moreau, et ensuite un extrait de La Nausée. On peut dire un mot peut-être sur le personnage de Roquentin qui a fait le tour du monde. Oui, c'est ce qu'on oublie d'ailleurs. Quand on lit La Nausée, on s'attache à cet homme seul, à un moment qui surplombe toute la ville et qui la voit d'ailleurs promise au destin d'être dévorée par la nature. Mais la ville est très, très présente dans le livre, les tramways, l'hôtel. Est très présente dans le livre, une ville minérale mais qui est guettée par l'invasion de la nature. Donc on voit cet homme seul, mais et qui découvre l'existence grâce à une racine d'arbre. Mais on oublie effectivement qu'il a fait le tour du monde. Et dans un texte précédent, Sartre a utilisé l'expression « la nausée des voyages ». Ce n'est pas un hasard, même si le titre du roman, en fait, n'aurait pas dû être celui-là, mais « Mélancolia », que c'est Gaston Gallimard qui a pris comme titre « la nausée », finalement, avec juste raison. Mais il est revenu des voyages. Il en a soupé. Il en a la nausée. Donc, s'il n'avait pas voyagé autant... Et en même temps, il est confronté à cette figure bien connue de l'autodidacte qui est heureux de rencontrer quelqu'un qui a précisément parcouru le monde. Qui se fait des idées sur ce que c'est que le voyage. Bah, lui, il est touriste. L'autodidacte, c'est le touriste. C'est le touriste qui n'est pas encore parti. Mais il pose les questions d'un touriste, effectivement. Et c'est l'opposition entre les deux, puisque Roquentin, revenu des voyages, en fait, à la fin du livre, imagine son retour à Paris, pour écrire, pour se réaliser en tant qu'homme, puisque exister, finalement, c'est devenir celui qui peut créer des personnages aussi réels finalement que ceux qui sont dans les livres, dans les films, parce que ils sont le parcours d'une nécessité, mais en même temps, il rêve de New York. Et c'est... ce qu'il a fait effectivement, comment dire, éveillé à lui-même, c'est la chanson "Some of these days", entendue plusieurs fois dans un café, et là, il imagine à New York celui qui a écrit cet air dans sa chambre. Il imagine aussi les rues de New York. Et c'est aussi ça, le rêve de Sartre. Et étrangement, très peu de temps après, finalement, il va être appelé à aller à New York, sans que lui-même l'ait désiré, l'ait voulu. Avant cela, et au moment où il écrit La Nausée, il est à Berlin. Oui. Est-il un touriste à Berlin, où il va passer une année alors que le régime nazi vient d'arriver au pouvoir en 1933-1934, Jean-Luc Moreau? Alors il est à Berlin pour un voyage, un séjour d'études en fait. Il doit étudier Husserl. Il vient en remplacement de Raymond Aron. C'est Raymond Aron qui était là avant lui, c'est Raymond Aron qui lui a indiqué. Et Raymond Aron, lui, avait vu, effectivement, le nazisme. Alors le nazisme qu'il est là veut, avant, veut c'est-à-dire alors qu'il est au là moment avant, où le là, régime est très très jeune. Alors qu'il est là avant, et il faut bien dire que Sartre, là, est assez aveugle, même si il voit quand même quelques signes. Mais en même temps, il y a des choses quand même très... grave et très significative qui se passe alors qu'il est là, mais qui ne retiennent pas tellement son attention. Il ne s'intéresse pas tellement au sort de Husserl qu'il est en train d'étudier, par exemple. Alors Annie Cohen-Solal, qu'on recevait lundi, relativise tout de même la cécité de Sartre à ce moment-là. Elle a raison, oui. Elle montre que cette cécité, elle a été commune en grande partie aux intellectuels de l'époque. Beaucoup d'entre eux étaient persuadés, dit-elle, de vivre une quasi-dictature chez eux, en France, avec Doumergue à la place d'Hitler. Mais c'est précisément ce que dit Sartre lui-même. Il dit, oui, la dictature de Nuremberg en France était pour lui beaucoup plus palpable, effectivement, que celle qui était déjà en train de s'installer, de s'aggraver à Berlin, en Allemagne. Il le dit plusieurs fois. Quant à la manière dont les Juifs sont traités en Allemagne, ça paraît tellement énorme à Sartre que finalement, ça paraît impossible. Mais en même temps, lorsque Sartre est là, Pierre-Marc Orlan est là, également, qui fait des reportages. Et si on lit bien ces reportages, lui, il signale ce qui est en train d'arriver. Cette petite musique agréable signale l'arrivée prochaine de Jacques Nerson pour la chronique de la mi-émission. Mais avant cela, je dois encore vous poser une petite question, Jean-Luc Moreau, sur les villes grecques. Oui. Parce que ça aussi, c'est un endroit qui a été visité par Sartre et Beauvoir. Ils n'ont pas aimé Athènes. Pour quelle raison ? Ils n'ont pas aimé Athènes, sans doute parce que ça ne correspondait pas à la vision qu'ils en avaient eue. Et que précisément, c'était sans doute trop touristique. Ouais. Mais il dit que les Grecs sont des PNQ, il a dit en ça. Grec, oui, les, voilà, oui, ouais. Par rapport à ça. Mais en même temps, la Grèce leur apprend à être moins touristes, précisément, parce qu'ils se rendent compte à quel point ils le sont. C'est une leçon pour eux. Et là aussi, ils se sont disputés parce que je crois que Sartre voulait monter au Tégète dans le Péloponnèse. Oui. Ouais. Et elle voulait pas. Ou c'est le contraire ? C'est le contraire. C'est le contraire. Ouais. Quand même, les histoires de couple. Allez, on va retrouver maintenant Jacques Nerson, avant de continuer à parler avec vous, Jean-Luc Moreau, de Sartre et des voyages. Jacques Nerson, qui est lui aussi un grand voyageur. Il va partout en France pour voir des spectacles et pour nous les raconter. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour Jacques. Bonjour Mathieu. Vous descendez du train, je crois. Oui, mais je ne vais pas vous parler du spectacle que j'ai vu hier soir à Alençon, mais je vais vous emmener un peu moins loin, mais assez loin quand même. Je vais vous emmener à la cartoucherie. Derrière le périphérique. Ouais. Je suis allé jusque-là, au théâtre de l'Épée de Bois, pour voir une pièce que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Nathan le Sage, qui a été jouée déjà plusieurs fois, notamment à la Comédie Française, il y a quelques années, une assez mauvaise mise en scène d'Alexander Lang. Et c'est une pièce qui peut paraître par moments très ennuyeuse si elle est mal montée, justement, et au contraire absolument passionnante. Alors, pièce de Gotthold Ephraim Lessing. Voilà, alors c'est un auteur à peu près contemporain de Voltaire, qui d'ailleurs est très imprégné du scepticisme voltairien, qui est qui sera franc-maçon, et cette pièce est très très connue parce que c'est une leçon de tolérance. Il faut dire que Lessing, qui était le fils lui-même d'un pasteur, a eu quelques ennuis avec un théologien de l'époque, et ça a été un peu une manière de lui répondre, mais en portant la querelle sur le théâtre. Alors la pièce raconte l'anecdote suivante, ça se passe au temps de la troisième croisade à Jérusalem, et donc Jérusalem est sous la domination du sultan Saladin, dont on sait qu'il a été effectivement relativement tolérant pour l'époque, il a laissé les chrétiens accéder au Saint-Sépulcre, etc. Et là, il y a un marchand à qui Nathan, je vous passe différentes péripéties, mais entre autres, il a besoin d'argent, Saladin. Donc, il aimerait bien avoir une raison de lui confisquer cet argent. Et pour ça, il le fait venir et il lui demande de lui dire quelle est la meilleure des trois religions monothéistes. Quelle est la vraie foi? Et là, Nathan, qui est naturellement tolérant, sans se forcer, va répondre par une parabole qui est empruntée en fait au Décaméron de Boccace, et c'est la parabole des trois anneaux, c'est-à-dire un père qui doit léguer un anneau à son fils préféré, sauf qu'il n'a pas de préféré, il a trois fils, il les aime également. Alors pour pas faire de jaloux, il fait faire deux autres anneaux exactement semblables, ce qui fait que personne, aucun des trois, enfin chacun des trois plutôt, pense détenir le véritable le anneau, et il n'y a pas de vrai, si ça se trouve, le vrai a disparu et les trois sont faux, on ne sait pas. Voilà, donc façon de se défausser de la part de Nathan. Et alors le sultan est très admiratif de cette façon de faire. Il offre son amitié et sa protection à Saladin. C'est une pièce qui a été interdite sous le nazisme notamment parce que montrer un juif noble, un juif tolérant, c'était évidemment insupportable. Et c'est une très belle pièce à condition, et c'est ce que fait Dominique Lurcel, qui est le metteur en scène là, qui est qui avait déjà monté la pièce d'ailleurs il y a une vingtaine d'années. C'est un metteur en scène qui a beaucoup travaillé avec Armand Gatti. Et là, il a l'intelligence de monter la pièce pour ce qu'elle est, pour le côté feuilleton. Mmh. Il s'attarde pas sur le message, il fait confiance à Lessing pour transmettre son message, et il n'y a pas besoin d'appuyer. Disons qu'il privilégie l'action à la pensée. Et je crois que c'est tout à fait ce qu'il faut faire, sinon c'est très lourdin. Et l'humour, c'est une pièce drôle. C'est une pièce drôle par moment un peu tragique, mais par moment très drôle. Notamment, il y a le rôle d'un frère lait qui est un homme bienveillant et qui désobéit à son supérieur, le patriarche de Jérusalem, qui lui est un fanatique. Et c'est très, très amusant, effectivement. Donc, vous nous le conseillez. Je vous le conseille. À l'épée de bois, donc à Vincennes. Hein, voilà. Juste un mot pour dire quand même le nom de trois acteurs. Oui. Samuel Churin, qui jouait déjà il y a 20 ans, mais qui jouait le Templier, qui la joue Nathan le Sage, qui est un excellent acteur. Jérôme Cochet, un jeune homme qui joue le jeune Templier Cervelet. Et Thaddié Tuéné, qui joue ce fameux frère lait. On n'a pas beaucoup parlé de Sartre, auteur de pièces de théâtre, oui. Dans cette série, Jacques Nerson. Vous-même, vous avez en mémoire de bonnes représentations de huis clos, par exemple. Oui, alors, à mon avis, en étant un peu catégorique, je vous dirais qu'à mon avis, Sartre n'a écrit qu'une seule bonne pièce de théâtre, mais c'est un chef-d'œuvre et c'est huis clos. Et ça a été bien monté à plusieurs reprises, mais notamment, je crois que Claude Régis en avait fait une mise en scène à la Comédie Française qui était tout à fait épatante. Mais récemment, je l'ai vu au Théâtre de l'Atalante, ça supporte, ça vieillit pas, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Merci beaucoup, Jacques Nerson. On vous retrouve bientôt ici et dans l'intervalle, évidemment, dans les colonnes de l'Obs. Jean-Paul Sartre, Experience, c'est ça que vous entendez dans la compagnie des auteurs. Dans quelques instants, nous allons continuer de parler avec Jean-Luc Moreau des voyages de Sartre. Mais tout de suite, un court extrait de Situation 3 de Jean-Paul Sartre dans la voix de Thomas Woods. Je marche entre les petites maisons de briques, couleur de sang séché. Elles sont plus jeunes que les maisons d'Europe, mais leur fragilité les fait paraître bien plus vieilles. Je vois au loin l'Empire State Building ou le Chrysler Building, qui pointent vainement vers le ciel, et je songe soudain que New York est sur le point d'acquérir une histoire et qu'il a déjà ses ruines. C'en est assez pour orner d'un peu de douceur la ville la plus rude du monde. Alors Jean-Luc Moreau, New York, vous avez commencé d'en parler dans la première partie de cette émission. C'est une ville où Sartre souhaite aller très jeune. Il fait un premier voyage à New York, mais il faudra attendre quand même l'après-guerre. Racontez-nous un petit peu ce voyage. bien, il est envoyé à New York par Camus, en fait, dans un certain sens. Qui dirigeait le journal Combat. Qui dirigeait le journal Combat, puisque c'est en Amérique, aux USA, l'organisme qui est chargé de valoriser à l'étranger les efforts de guerre de l'Amérique, qui demande à ce que des écrivains, des journalistes, ayant quand même plus ou moins participé à la résistance, viennent se rendre compte sur place, effectivement, de cet effort de guerre. Donc c'est dans ces conditions, effectivement, qu'il va à New York. Le voyage à New York est très très important, d'abord à cause du sujet des villes, etc., mais aussi pour d'autres raisons, c'est que c'est là qu'il prend en fait cette stature d'écrivain. Il va à New York et il revient grand écrivain, en quelque sorte. C'est les États-Unis qui font Sartre en France ? Oui, d'une certaine manière, puisque même politiquement parlant, en fait, il y a un article à la gloire de De Gaulle qui est publié aux États-Unis avant qu'il le soit en France. De la même façon, il teste en quelque sorte sur le public américain sa théorie de l'engagement. Il le fait même devant celui auquel il l'a piqué, c'est-à-dire Denis Rougemont, qui est dans la salle. Mm-hmm. Donc il teste en même temps ce qui est en train de se passer au temps moderne, puisque lui il est à New York, mais en fait, Simone de Beauvoir est en train de préparer le premier numéro des temps modernes. Elle n'est pas venue, elle n'a pas été conviée à ce voyage. Non, parce que je pense qu'il fallait un journaliste, etc. Bon, voilà. Et c'est important puisque Sartre a, depuis son enfance, l'image de Dickens arrivant à New York. C'est une photo qui lui est tombée sous les yeux quand il était enfant. Et sur la photo, il y a une telle foule, etc., qu'il se dit, j'ai jamais vu ça que lorsque le 14 juillet, etc. Et il dit, il faut vraiment que ce Dickens soit quelqu'un d'important pour, effectivement, être acclamé comme ça dans un pays étranger. Donc, alors, il ne sait pas à ce moment-là, évidemment, il est tout jeune, que représente véritablement Dickens, que Dickens s'est attendu aux États-Unis pour que il donne sa propre vision des États-Unis, et que, étant donné la nature des écrits de Dickens, ceux qui se sentent opprimés un peu aux États-Unis ont envie qu'ils parlent d'eux. Et on peut se demander si, dans une certaine mesure, Sartre a été plus ou moins fidèle à cette espèce de modèle inavoué. C'était pas un modèle vraiment de Dickens. En tout cas, va aux États-Unis, il va à New York pour se construire une image aussi. Et ça, c'est assez conscient dans sa démarche. Oui. C'est d'abord aussi quelque chose d'un peu délicat à expliquer, mais c'est que Sartre n'a pas été vraiment un très très grand résistant, mais que... il est quand même invité au voyage des résistants. Voilà. Et à partir de ce voyage-là, effectivement, il le devient. Et il le devient en quelque sorte pour lui-même, sans que ça soit véritablement quelque chose de faux ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une sorte de sincérité. Mmh. Il le devient en quelque sorte, mais il le devient parce que selon sa théorie aussi, le passé, on le choisit en même temps. Donc voilà. Mmh. Donc il l'est. Et il est dans une position un petit peu délicate puisque il est là en même temps au milieu. Le voyage dont se fait, ils sont 7 ou 8, je ne sais pas trop quoi, donc ils sont à New York. Après, ils parcourent quand même les États-Unis par avion, etc. Donc ils voient des tas de choses fort intéressantes. C'est pas du tout les usines qu'on lui fait voir, les barrages, etc. qui l'intéressent. C'est le paysage. C'est précisément la nature. Et de la même façon qu'il imaginait un petit peu à manière des surréalistes, parce qu'à un moment il y a un morceau de viande dans la nausée là qui se balade dans les rues, etc. Qu'il imagine le végétal et puis la chair prendre possession finalement de Bouville. Lui, il voit effectivement que New York, c'est un campement dans le désert, qu'il y a le désert à côté, et que effectivement ça peut aussi le désert peut aussi gagner New York. Donc il a une vision qui est une vision urbanistique aussi. C'est-à-dire qu'il comprend les États-Unis par la manière dont on y construit des villes qui sont parfois éphémères, des villes... Ce sont des villes qui sont provisoires, qui sont construites normalement pour ne pas durer. Et certaines durent. Elles naissent de chantiers à créer, parce qu'il y a du pétrole, parce qu'il y a des choses comme ça, et elles sont destinées à périr. Et même lorsqu'elles persistent, il reste toujours un sentiment que cela peut arriver ou que cela aurait dû arriver. Et ça le fascine alors. Et ça le fascine de la même façon aussi que il considère que cela donne à l'Américain, même s'il ne les souhaite pas, le sentiment qu'il est complètement libre. Mmh. Parce que à la limite, il y a le refuge au désert. Il y a la possibilité de tout quitter. La ville est complètement ouverte. Et contrairement à l'image que nous sommes faits de New York, on est omnibulé par les gratte-ciel, lui, il dit au contraire que c'est une ville qui est ouverte sur l'extérieur. New York, c'est la ville de l'espace pur. C'est oui. Ça aussi qui va intéresser Sartre. Pas forcément la ville verticale. De Morand. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est effectivement l'espace. Même s'il n'a pas été un baroudeur comme Kerouac, etc. Sartre dit que les villes sont des routes. Donc pour lui, c'est la route qui compte. C'est évidemment, elle conduit à la ville, mais aussi elle en parle. Alors quand même, Jean-Luc Moreau, il y a évidemment un paradoxe apparent pour ceux qui se souviennent du Sartre engagé très à gauche, qu'on imaginerait partir plus tôt, visiter un petit peu l'URSS, se demander ce qu'on peut y trouver là-bas d'intéressant, au moins avant-guerre, et... ils vont peut-être, avec Simone de Beauvoir, s'y intéresser un peu, mais n'arrivent pas à trouver le même niveau d'excitation qu'ils ont à la perspective d'aller aux États-Unis. Il y a une préférence quand même pour les États-Unis par rapport à l'autre grande puissance de l'époque. Oui, il y a une préférence. La désaffection, enfin le manque d'intérêt pour l'URSS, en fait, pour le fait d'y aller... En soi, c'est le fait que Sartre y voit la naissance d'un pays d'ingénieurs, bizarrement. Et les ingénieurs, c'est pas un pays d'ingénieurs aussi. Justifié, c'est presque des salauds, c'est proche de la bourgeoisie, etc. Donc il voit cela. C'est-à-dire qu'il commence, même avant d'y aller, de comprendre que c'est très très organisé, et il voit davantage, comment dire, les réalisations que le communisme tente de réaliser pour se montrer comme une grande puissance, etc. Donc toute l'économie, l'ingénierie, etc., la figure de l'ingénieur. Et donc ça ne les intéresse pas. Et les États-Unis, c'est un pays d'ingénieurs aussi. Oui, mais ils sont davantage. Peut-être. Mais l'intérêt pour les États-Unis, il est mitigé. Ils le critiquent aussi. C'est-à-dire que politiquement, ils sont intéressés par l'URSS, mais pas pour y vivre, pas pour être un habitant. Mais leur intérêt pour les États-Unis, ils se modèrent aussi, puisque pour eux. C'est aussi un pays capitaliste, etc. Et une ville d'ingénieurs, si on veut. Mais tous les deux ont failli vivre aux États-Unis. Dans les États-Unis, il y a les États-Unis, comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours ce mythe ou cette réalité que l'individu peut se réaliser. C'est pas pour rien qu'il y a l'homme qui se fait par lui-même, le self-made, etc. C'est un mythe ou pas. Mais il y a cette possibilité-là. Mais il faut pas oublier, on l'a oublié de le dire, c'est que... même s'ils sont critiques à l'égard des États-Unis, Sartre et Simone de Beauvoir ont failli s'y installer et y vivre. Tous les deux pour la même raison, c'est-à-dire un amour. Et il aurait pu se faire, même si les Sartriens pas tentés ou les autres, les essentialistes pas tentés, ont du mal à l'accepter peut-être, comme Annie Cohen-Solal avec lequel j'en ai discuté, si on ne fait pas de projection par rapport à ce qu'on le connaît, il aurait été tout à fait possible que Simone de Beauvoir vive à Chicago et Sartre à New York, par exemple. Et on ne sait pas du tout, à ce moment-là, ce que serait devenu l'existentialisme, etc. Et Saint-Germain-des-Prés, quid ? C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de Sartre, ce voyageur sans billet, avec Jean-Luc Moreau. Venise, vous avez commencé d'en parler tout à l'heure, c'est une ville qu'il a particulièrement aimée, une des seules villes qui lui donne l'impression d'y avoir vécu. Une proximité de Sartre avec cette ville-là. Il y a une proximité de Sartre avec cette ville-là. C'est une ville qui lui rappelle d'une certaine manière New York, mais c'est pas le premier à faire cette comparaison-là. Quoi peut-on comparer New York et Venise? Parce que ce sont des villes qui ne sont pas des villes, qui sont quelque chose d'autre, qui sont comme autrefois certaines maisons qu'on appelait des folies, qui étaient c'est des expériences on ne sait pas trop quoi. Voilà. Donc il utilise ce terme. C'est un peu Las Vegas alors. Ce terme, je crois. Enfin, peut-être pas quand même. Peut-être pas. Faut pas exagérer. Donc c'est ça qui le séduit. Et puis il y a toujours la présence de l'eau, effectivement. Et faut pas oublier en même temps que donc il venait régulièrement à Venise, à Rome aussi. Mais quand il écrit sur Venise, quand il revient sur le tard à Venise, il vient alors qu'il est aveugle en fait. Il ne voit plus Venise. Donc il est aussi hanté par les souvenirs de Venise. Mais Venise, il a tenté d'écrire sur Venise pendant très très longtemps. Il a écrit des ébauches. Il a dit à quel point ça lui était difficile d'écrire. Puisque il voulait à tout prix sortir effectivement de la vision du touriste et donner véritablement des impressions. Son ami dont j'ai parlé là, Gérassi, là, qui est le Gomez des champs des chemins de la liberté, qu'il avait accueilli en Espagne, etc. Il est lui après la guerre d'Espagne arrivé à New York, etc. Il est peintre et il a vu qu'il ne pouvait pas peindre New York, que c'est une ville qu'on ne pouvait pas peindre. Et Venise, au contraire, apparaît à Sartre comme une peinture. En revanche, et il y a le sang séché dont on a entendu parler tout à l'heure à propos de New York. Et bien cette couleur-là, il la retrouve effectivement à Venise ou à un autre sens. Il la retrouve dans Venise même et aussi dans les tableaux. Mais il a effectivement cherché à c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Je parle de peinture, mais il dit, je pense que c'est à Michel Vian, je me trompe peut-être, mais que en écrivant, il veut écrire par touche. Et c'est effectivement une peinture, une esquisse des touches qu'il donne de Venise. D'ailleurs, il y a le séquestré de Venise, texte sur le Tintoret, effectivement. Mais pour moi, La Reine Albemarle, donc Le Dernier Touriste, c'est un des plus beaux livres de Sartre. Et il y a, donc c'est un livre sur les voyages, mais il y a aussi un texte magnifique qu'on ne connaît pas, qui sont les lettres qu'il a écrites de ses voyages quand il était en Grèce, précisément à Olga Kosakiewicz, et qui sont des textes magnifiques, qui sont d'une alacrité, d'un humour extraordinaire. Par exemple, puisqu'on parlait du touriste, ce que doit faire le touriste, eh bien, il y a des guêpes, il y a une terrasse, il prend une tartine, etc. Il y a des guêpes, donc comme tout le monde... Il chasse, et puis finalement, ben, il faut s'habituer à ce que les guêpes viennent, les laisser sur la tartine, poser la tartine à la bouche, même s'il y a les guêpes, elles vont finir par s'envoler. Et c'est une attitude constante, un petit peu, chez Sartre, de laisser finalement les choses se faire, lutter contre les choses en les laissant faire. C'est comme sur un bateau, le mal de mer, eh bien, il faut attendre, ne pas se rebeller et s'incorporer le mal de mer qui est dissous et qui, en quelque sorte, disparaît de lui-même. Alors, ce texte, ce livre que vous aimez beaucoup, je crois, La Reine Albemarle, est sous-titré Le Dernier Touriste. Oui, Le Dernier Touriste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Le Dernier Touriste? Le Dernier Touriste, il y a un sens un petit peu banal, ça se passe souvent à l'automne, etc. Donc c'est la dernière vague, c'est la dernière vague des touristes, ceux qui sont peut-être le moins pénétrés de cet esprit-là. Mais c'est aussi le fait que, effectivement, depuis ses premiers voyages, le touriste doit mourir en lui et en s'exerçant à donner des impressions de Venise. Bien, il en quelque sorte prolonge l'agonie. Il ne veut pas tout à fait qu'il disparaisse pour montrer qu'en quelque sorte il existe et qu'il faut le faire disparaître. Mais c'est un livre en quelque sorte sur l'agonie, l'agonie du touriste. C'est pas simple alors de voyager pour Sartre, c'est difficile. Non, c'est pas simple. Il y a plusieurs sortes de voyages. Il y a les voyages qu'il a fait avec Simone de Beauvoir par désir de connaître le monde, de s'extérioriser. Il y a ceux qu'il a fait beaucoup avec des amis IE, puisque le voyage d'agrément, entre guillemets, n'est concevable que en étant accompagné. Et il y a les voyages offerts, c'est-à-dire soit par des pays désireux de le recevoir en espérant qu'il fera de la propagande pour eux, ou soit offert aussi, tout simplement parce qu'il est écrivain et qu'il y a aussi des pays qui veulent le connaître, des éditeurs qui veulent le connaître. Et à chaque fois, c'est un peu différent. Je voudrais revenir sur le titre. Voyageurs sans billets. Sartre, tout jeune, a fait un rêve qui, me semble-t-il, ne lui est pas commun, c'est-à-dire de se trouver, alors il est jeune garçon, hein, il s'imagine, 7, 8 ans, 10 ans, je sais pas, dans un train et il a pas de billets. Il y a le contrôleur qui arrive. Et alors, il embaumine le contrôleur en lui disant qu'il est quelqu'un d'extrêmement important, que c'est un agent secret, que le sort du monde dépend de son arrivée et de là où il va. Je pense que c'est Dijon, d'ailleurs. Et donc, sans doute Dijon, oui. Et voilà, donc il faut, c'est complètement idiot de ne pas s'intéresser à une histoire aussi vulgaire, médiocre qu'il soit sans billet, voilà. Et voyageur sans billet, donc il l'a été parfois, précisément lorsqu'il était invité. Et là, c'est pour d'autres raisons. Il est sans billet, mais il n'est pas en faute. Au contraire, il est cette fois accueilli et son voyage lui est effectivement offert. Mais son attitude change, bien sûr. Je signale aux auditeurs qui nous écoutent que nous ne sommes pas sur un paquebot transatlantique dont on entendrait la salle des machines depuis une heure, mais bien à la maison de la radio qui est en travaux. Sartre n'est pas Bouvier, Jean-Luc Moreau. Il ne fait aucun doute que c'est un grand voyageur, mais ce n'est pas un voyageur à la Bouvier. C'est plutôt un voyageur qui va, au contraire, ne pas prendre de notes et ne pas partir comme ça à l'aventure extrême. Y a-t-il pour vous un lien à faire entre cette grande figure du voyageur Bouvier et Jean-Paul Sartre, soit pour les séparer, soit pour les rapprocher d'une manière ou d'une autre? Bah, c'est plutôt pour les séparer. Mais je pense que il aurait pu, dans d'autres circonstances, enfin, la mère de Simone de Beauvoir rêvait d'être exploratrice elle aussi. Sartre voulait l'aventure. Son père, qu'il n'a pas connu, était enseigne de vaisseau. Il voyageait sur les mers. Il est mort à l'aventure, de retour d'aventure. D'une maladie qu'il a contactée alors qu'il volait au Japon. Et Sartre a demandé, avant d'être nommé au Havre, etc., de partir à l'étranger, d'aller au Japon. Je pense que, vu comme il écrit, vu les lettres qu'il a écrites à Olga Kosciuszko, vu le livre sur Venise, il aurait pu l'être quelqu'un comme Bouvier. Merci beaucoup Jean-Luc Moreau d'avoir bien voulu clore avec nous cette semaine en compagnie de Jean-Paul Sartre. Je rappelle que votre ouvrage Sartre, voyageur sans billet, a paru chez Fayard en 2005. Quant à votre livre Simone de Beauvoir, Le goût d'une vie, il a paru en 2008 aux éditions Écriture. Il y a beaucoup d'autres livres de vous, Jean-Luc Moreau. La semaine prochaine, nous parlerons de Truman Capote, auteur de Deux sangs froids, de Prières exaucées, de Petit déjeuner chez Tiffany. Mais avant cela, comme chaque jour, c'est le choix de textes poétiques qu'a fait pour nous Jacques Bonafé. J'y allais, seul, parfois, et là, métamorphose se produisait devant moi, l'unique. Le sable devenait cette immense et sauvage abstraction monochrome qui tant me plaisait en ces jours solitaires, grande et combien ancienne sagesse des eaux. Bonjour, nous concluons par chaos. Ben, c'est un extrait de Chaos de Franck Venaille paru au Mercure de France. Ce couple enlacé si haut dans les vagues, c'est déjà trop d'intimité pour ce pays qui est mien. C'est plus que n'en peuvent supporter les buveurs de bière qui se délivrent à eux-mêmes des numéros d'ordre afin de ne croiser personne lorsqu'ils vont se resservir. La gorge pleine encore de houblon. Extrait de Chaos, Mercure de France. Parfois les mots sont si ténus qu'il faut les chercher profondément, les chercher, faire le vide autour de soi, isoler ceux ayant déjà utilisé la quasi-totalité de leur pouvoir sur le monde. Alors, les survivants peuvent défiler, se donner à qui avec conviction en fait la demande. J'aime les tristes, dis-je avec ma voix d'oracle, mot pour mot. Tiens, v'là le petit Jules Laforgue qui va nous en placer une. Le brave, brave automne. Quand reviendra l'automne, cette saison si triste, je vais me la passer bonne, au point de vue artiste. Mourir n'est rien. Franck Venaille. Ne comptez pas sur mes prières et lamentations pour retarder ce train aux marchandises avariées. Justement, le voici qui freine. Et la mort, bonne camarade, et la mort en descend. Vais-je la vous soyer? Brasserie, je n'y consomme rien, ni avec elle, pas plus qu'avec quelqu'un de sa ménagerie. Ses mains sont posées à plat sur la table, bois ciré, mousse de bière. Que cherche-t-elle à me faire comprendre? Maîtresse de ses nerfs, cette histoire n'a que trop duré. J'ai la sensation d'être seul, assis dans un monde debout. Elle bouge légèrement les doigts. Elle joue à bouger. Légèrement, elle bouge les doigts. Les garçons, serviettes blanches, entreprennent de dresser les tables. Oh, joie lyrique d'avoir déposé un peu de son barda de vie, là, contre la faucheuse. C'est un extrait de Chaos, de Franck Venaille. Jacques Bonafé sur France Culture. Dans quelques secondes, il sera 16h et vous avez rendez-vous avec les sciences. Nicolas Martin, la méthode scientifique. Très bon après-midi à toutes et à tous.